here. Dog gon' get me here. Don't you know the road? Yes, yes, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, yes, I know the road. Don't you know the road by the playing of the song? Yes, yes, I know the road. Don't you know the road by the singing of the song? Yes, yes, I know the road. Don't you know the road by the praying of the prayer? Yes, yes, I know. Blow your trumpet, blow your horn, people are running, king and gone. Tell me what's the matter, tell me what's the matter, tell me what's the matter, tell me what's the matter. Les prémices de notre musique moderne, les cris des chants, les work songs, une période d'une violence et d'une cruauté extrême où des millions d'Africains ont été déportés et réduits en esclavage aux États-Unis. Dans ces conditions inhumaines, la musique est devenue un moyen de survie, d'expression et de résistance. Les chants de travail, les spirituals ou les field hollers, cris des chants, sont nés de cette souffrance, exprimant à la fois la douleur et l'espoir. La musique moderne est donc en partie le fruit de la souffrance et de l'oppression. De ses racines profondes, la musique afro-américaine a émergé, donnant naissance à des genres musicaux qui ont révolutionné le moderne et le monde. Comment l'esclavage a-t-il influencé la musique, me direz-vous ? L'esclavage a privé des millions d'Africains de leur liberté et de leur culture, mais ils ont trouvé dans le chant une forme de survie et d'expression, comme celle qu'on l'imagine, entonnée par des groupes de travailleurs. Des travailleurs rythmant leur labeur par les work songs. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. C'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Il me permet de dépasser et de viser toujours plus haut à chaque nouveau défi rencontré, à chaque journée. Puis, avec l'adoption du christianisme, ces chants ont évolué vers le Negro Spiritual, porteur d'espoir et de réconfort. Ces spirituals ont ensuite donné naissance au gospel, une expression fervente et joyeuse de la foi, avec des figures comme Sister Rosa Tharpe. Gonna lay down my heavy load. Down by the riverside. Oh, yeah. Down by the riverside. You know. Down by the riverside. Gonna lay down my heavy load. Down by the riverside. You said it was a no more. I ain't gonna study. Down by the riverside. I said, down by the kind of talking? Don't you know I'm gonna meet my loving mother? Too bad. Ce chant religieux a fait émerger le country blues. Une musique brute, souvent interprétée à la guitare par des pionniers comme Charlie Patton, le père du Delta Blues, le métissé indien de la tribu Choctaw, ou Robert Johnson, dont il est dit qu'il aurait fait un pacte avec le diable à la croisée des chemins. Leurs chansons parlaient de difficultés économiques, d'injustice, d'amour perdu, de la dureté de la vie dans le sud. I want away to Wallanda. I want away to Wallanda. I know you don't been walking up. Chico, Story Music, Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. L'histoire du blues. Le blues, c'est un voyage musical profondément enraciné dans l'expérience afro-américaine du sud des États-Unis. Son évolution vers le Chicago blues est un récit de migration, d'adaptation et d'amplification. La route 61, l'autoroute du blues. L'US Highway, Highway 61, qui relie toujours le delta du Mississippi à Chicago, est devenue une route migratoire emblématique pour ces populations, y compris de nombreux musiciens de blues. Cette route, surnommée The Blues Highway, a vu transiter des générations de bluesmen emportant avec eux leur musique. Les expériences de voyage, les nouvelles rencontres et l'espoir d'une vie meilleure ont influencé leur musique, tout en conservant l'essence de leurs racines du Delta. En arrivant à Chicago, les musiciens de blues ont trouvé un environnement urbain dynamique, mais se sont aussi confrontés à de nouveaux défis. La vie en ville, avec son rythme effréné, ses usines et ses clubs, a transformé leur musique. L'arrivée de la guitare électrique et son amplification ont permis aux musiciens de se faire entendre dans les clubs bruyants et de développer un son plus puissant, plus percutant. Le Chicago Blues a vu l'intégration de groupes avec une section rythmique batterie-basse, souvent piano et parfois des cuivres. Cela a donné une texture sonore plus riche et entraînante. Le country blues du Mississippi a ensuite évolué vers le blues urbain, plus structuré, amplifié, avec des icônes comme Muddy Waters, B.B. King et bien d'autres, devenant la voix des difficultés sociales. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans, c'est Didier & Co. et une dédicace tout à fait spéciale à Monsieur Dominique Valade. Mmh. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, then the world I know, the hoochie coochie man, but you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Ooh. year basis. I've been gone, little bitty boy, dubby on. Ooh, ooh, ooh. Indéniablement, le blues a notamment influencé le ragtime, une musique pianistique syncopée, entraînante, popularisée par Scott Joplin. Ragtime est devenue la bande son indissociable de l'époque du cinéma muet et de l'énergie de Charlot. Parallèlement à cette histoire, l'arrivée d'Irlandais apportant leur violon, les Écossais, les Anglais avec leur folklore, les Allemands avec leur harmonica, leur accordéon, ou les Français avec la podorhythmie, ce qu'on appelle le battement du pied, et d'autres Européens ont enrichi le paysage sonore avec leurs propres traditions folk et instruments, qui se sont mélangés, eux, aux influences africaine. La musique dite old time, jouée par les migrants, les Scottish Irish et allemand vivant dans les Appalaches, sans oublier l'influence cajun de la Louisiane et la musique créole Zydeco avec l'invention de la veste frottoir. Vous êtes toujours avec Didier dans l'émission Didier & Co et nous survolons actuellement les États-Unis avec la genèse de la musique moderne. Thank you. dans ce bouillonnement culturel qu'apparaissent le jazz et la country music. À la Nouvelle-Orléans, le jazz est né de la fusion des fanfares européennes, du blues, du ragtime, des rythmes africains, amérindiens et créoles, avec des légendes comme Louis Armstrong et Duke Ellington. Beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Trummer Young, Billy Crunk, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy Satchmo. We are very happy to have swung this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now I win the saints. Oh boy. When the saints chilling. Yes, I found to be in that number. Hey! Parallèlement, le Hillbilly Music Farmer est devenu, pour des raisons commerciales au fil du temps, la country music, puisant son influence dans le folk européen, en exemple The Carter Family et Jimmy Rogers. A 44 in each hand. She said, stand aside, all you women and men, 'cause I'm looking for my man. Dee-o-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. On ne chante plus les duretés ou les beautés de la montagne, celles de la religion, sur un perron de ferme ou en sortie d'église. On chante dans les honky-tonk, ces bars à la réputation sulfureuse. On chante la vie ouvrière, l'infidélité, l'alcoolisme, la solitude et les regrets. C'est la musique de l'âme. Si ce style existait avant lui, Hank Williams l'a transformé en un phénomène national, voire plus tard international. Il n'est pas seulement un interprète, il était un poète de la douleur. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. I'm so lonesome I could cry. Silence of a falling star lights up a purple sky, and as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. La révolution électrique. Avec l'invention de la guitare électrique, un seul guitariste branché sur un amplificateur puissant pouvait désormais remplacer toute une section de cuivre. Le son devient plus tranchant, plus nerveux. On passe de la richesse harmonique du swing à l'efficacité du riff. C'est une véritable collision frontale entre deux mondes. Pendant que Bill Haley et les artistes de country électrifiaient leur son dans le Nord et le Texas, Fats Domino, Ray Charles faisaient la même chose de leur côté avec le R&B. Ils occupaient les mêmes ondes radio et pour la première fois, les oreilles des adolescents ne faisaient plus de distinction. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. There to love me both day and night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, see, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. Oh yeah, oh yeah. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? Tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Nous arrivons à l'an zéro. Ce mélange de rhythm and blues, musique des Noirs, et de la country, celle des Blancs, a donné naissance aux prémices du rock'n'roll. Bill Haley et Chuck Berry, deux des piliers fondateurs d'un temple. L'un a apporté les premières racines, tandis que l'autre a dessiné l'architecture et l'attitude qui durent encore aujourd'hui. Bill Haley, le Blanc, vient de la country et du western country. Son rock est un mélange de country rapide et de rhythm and blues. Son rythme est souvent plus bondissant. Chuck Berry, le noir, plonge ses racines dans le blues, bien qu'il ait aussi écouté de la country. Il a surtout révolutionné la musique en créant le riff de guitare électrique moderne. Son style est plus urbain, plus nerveux et axé sur la guitare soliste. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Well, man, that music's gone, gone. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Well, man, that music's gone, gone. When I go out and I want a treat, I find me a band with a solid beat. I grab my chick and we dance about. When I start a rockin', boy, we start to shout. We shout, crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Well, man, that music's gone, gone. Go, go, go, everybody. Go, go, go, everybody. Go. Toujours dans le survol des USA à travers la genèse de la musique moderne. C'est Didier & Co, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel Orléans 96.2 et il est 15h07. On continue sans oublier bien sûr la jante féminine qui à travers les voix de Wanda Jackson et celle de Janis Martin ont amené une touche très growl, presque sauvage. You like love songs? Well, we think this is one of the most beautiful love songs that's ever been written, and we'd like to do it especially for all of y'all. It goes like this. Do that again, that's pretty. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been a-causing trouble ever since the world began, but don't you, oh yeah, ever since the world began. The thorn in the side of a man. Well, Adam said to Eve, listen here to me, don't you let me catch you messing around that apple tree. Why don't you, oh yeah, ever since the world began. A hard-headed woman is the thorn in the side of a man. You betcha, yeah. Swell, then he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, ever since the world began. Oh, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Then Samson told Delilah, loud and clear, I keep your cotton picking fingers off my curly hair. Well, oh yeah, ever since the world began. Oh, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Let's go again. Passer du statut de chauffeur de camion livrant des journaux à celui de King, c'est le déclic du 5 juillet 1954. C'est l'histoire d'un diamant brut. Lors d'une pause studio, Elvis commence à plaisanter en accélérant un vieux blues d'All's Right Mama, un mélange de country music des blancs et du blues, la musique celle des noirs. Le guitariste Scotty Moore et le bassiste Bill Black le suivent. Le visionnaire Sam Phillips, ingénieur de son et animateur radio, le comprend. Il est convaincu qu'il tient un diamant brut.

still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo, come on, everybody. Come on, everybody. Généalogiquement, les courants musicaux évoluent sur différentes branches et styles. C'est la constellation de la soul music avec Aretha Franklin, Etta James et leurs homologues masculins Otis Redding, James Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye et consorts. Most of all, I just don't

spice. I feel nice, sugar and spice. I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you. So good, so good. Nous sommes toujours à travers le vol Didier & Co pour la découverte de la genèse de la musique moderne. Nous venons de traverser l'Atlantique sans trop de turbulences. Nous survolons l'Angleterre et nous découvrons le rock british. C'est l'effet boomerang. Cette période est fascinante car elle représente un échange culturel unique entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors que les jeunes Américains blancs des années 60 écoutaient la pop Lice, les jeunes Anglais, dont Keith Richards, Mick Jagger, les jeunes Pierre qui roule, The Rolling Stones, les gardiens du blues pur et dur, plus sales et rebelles, Eric Clapton et quelques autres écoutaient, reprenaient et composaient via l'écoute des disques des bluesmen noirs américains comme Muddy Waters, Chuck Berry, alors que les Beatles, eux, devenaient maîtres en matière de mélodie et de l'expérimentation du studio. Et juste avant de continuer ce survol du rock anglais, une petite dédicace à mon ami Gérard Ritt, qui est du côté du département 41 et qui kiffe grave. I tried. Pionniers de l'opéra rock, porte-parole du mouvement Mood. La voix puissante de Roger Daltrey et son charisme ne nous laissent pas indifférents avec son micro qui nous prend comme un lasso. The Who.

La naissance du hard rock, c'est le blues sous stéroïdes. Le rock british ne s'arrête pas là. Avec Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, il devient plus lourd, il est plus puissant. C'est l'héritage direct du son de guitare de Hendrix et de Clapton. Led Zeppelin, le groupe ultime, ils reprennent des vieux blues, mais avec un volume et une puissance jamais vus. Give you my love. Sabbath, les inventeurs du heavy metal, les sculpteurs du heavy metal, Deep Purple, les modérés du style qui ont apporté un côté plus virtuose et classique avec l'orgue Hammond. Pink Floyd, eux, ont amené magistralement le rock progressif et planant. Ils sont le pendant artistique, psychédélique et la puissance brute de Led Zeppelin. Mais quant à nous, dans Didier & Co, le voyage ne serait pas complet si on ne parlait pas de AC/DC, de Queen et de la tendance punk. I hit the

desert me, my brothers, you know. Eh bien voilà, nous sommes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Didi & Co, nous venons de nous poser sur le tarmac à Orléans. J'espère que je vous ai fait passer un agréable voyage en survol au-dessus des États-Unis, au-dessus de l'Angleterre, de découverte en découverte, d'écoute en réécoute. Nous avons commencé dans la poussière des work songs, là où la musique n'était qu'un outil de survie, un rythme pour ne pas s'effondrer. On a traversé l'électricité du blues, la fureur du rock, pour finalement s'arrêter ici avec Dire Straits. Pourquoi pas d'ailleurs. J'espère que vous avez passé donc un agréable voyage. Mais avant de récupérer vos valises, je vais y arriver. Je suis un petit peu ému ce soir. En cette fin d'après-midi, je voulais simplement vous informer des prochaines dates de Didi & Co. Nous avons fait, par contre, le 8 janvier, nous avons eu le Four à Briques qui sont venus parler un petit peu de l'univers brassicole. Aujourd'hui, il ne devait pas y avoir d'émission, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, j'en ai fait une. Pour le 22 janvier, je recevrai un spécialiste de la musicothérapie. Le 29, ça sera une émission sur l'hypnose. Le 5 février, pour les musiciens à ne pas manquer, ça sera une émission avec notre ami Sylvain, qui est batteur dans un groupe qui s'appelle Ice Rider, mais qui viendra là en tant qu'ingénieur du son dans son métier. Il est ingénieur du son live et il travaille au Philharmonique de Paris, donc on va lui parler de son métier. Le 12 février, on parlera photographie avec Thierry Scholl, qui nous parlera de son exposition sur ses photographies reportages de musiciens et de stars françaises, voire de stars internationales. Le 19 février, ça sera notre ami Jérémy, ou plutôt ses amis des cours de musique et chant, qui viendront nous parler un petit peu de ce nouveau concept sur le site d'Orléans. Le 26 février, ça sera un petit peu spécial. Je ne serai pas au micro, je serai de l'autre côté dans le studio. Et ça sera mon parrain Albino qui va me passer sur le grill. Il me posera quelques questions sur la conception, comment est venue la radio et comment s'est fabriquée la radio en général. Ça sera une conférence musicale et vocale sur la radio communication et la radio en général. Le 5 mars, je recevrai, enfin ça sera par téléphone, ça sera avec mon ami qui est déjà venu, comment il s'appelle déjà, Jean Guibray, on va discuter un petit peu d'une passion qu'on a en commun qui s'appelle la Citizen Band, que l'on a bien pratiquée pendant des années. Et le 12 mars, on vous mènera en bateau, mais en bateau sur la Loire avec, j'en rigole moi-même, avec le marinier et Régis Letourneau, qui viendra nous parler de la musique de Loire, bien sûr. J'aurai peut-être des musiciens avec moi. Et en même temps, on parlera beaucoup de bateaux et de construction de bateaux de Loire, Sucro et Gabarre. Je vous salue, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Vivienco, Arc-en-Ciel, 96.2, Orléans.